cœur. De fil en aiguille. 2015. Y'a tant de choses qui nous séparent. Un parcours fait de vadrouille, d'auberge, un hôtel crash. Je me suis fait tout seul freestyle en open mic. Rien à foutre de la nouvelle école. D'avoir souffert mais bon allez savoir pourquoi pour une telle passion ma douleur est forte. J'ai le même pédigré, la même gueule et un tas de préceptes. 24 défaites ou plein buzz, ce qui m'importe c'est ce que les miens veulent en bas de l'échelle. Je vais capter 5 sur 5, frapper sec, aiguisé demain. J'irai encore pour eux de ces mecs qui ne s'avèrent plus le même. J'ai pas la plume prospère, mais la coupe font peur. J'ai besoin de ça, me torturer l'esprit sinon je donne plus de bon cœur. Natif de la commune d'Oran, je ne suis pas l'homme du moment. Juste un membre du monde capable de décrocher la lune comme fleuve. Voilà ce que je voulais à la base, frère. Décrocher la lune comme fleuve. Et faire du son, mec. J'ai voulu faire du son, mec. Toucher le ciel, me retrouver près du sommet. Laisser une trace, mon passage explosé. Faire l'effet d'une comète. J'ai goûté cette vie de schlag. Bouffer le salaire du pauvre et je n'ai rien trouvé de bon. À trop rêver, j'en ai perdu le sommeil. Je suis toulousain, le visage à découvert d'une autre ère. Rien de bizarre, on rappelle tout de même pour nos frères. Premier texte dans un bus scolaire. Insoumis, méprisable, tel collège dans nous assagis. Mais bon, n'attendez pas de nous, qu'on ait plus de colère. Tout est parti d'une promesse, je l'ai appris de fil en aiguille. Excusez ma noirceur, mais vous savez bien que l'amertume nous connaît. Plus me goudronner, à quoi donc ce bilan me réduit. Si tu me croises qu'une fois, appelle-moi MC, frère ou collègue. Je voulais du propre, du net, parlez pas de rap. J'écoute vos mères d'une oreille. Je suis de ceux qui veulent produire et non de ceux qui veulent faire du commerce. Prenez ça comme une aubaine. Un son de transit ou deux, hip-hop tu plaides et non du rap communautaire. Divers, de fil en aiguille. 2015 mec.